Sainte Thérèse d'Avila, l'Église elle-même pensait qu'elle était possiblement satanique. Pendant un bon bout de temps, ça a été difficile. Avant qu'elle finisse par être en quelque sorte docteur de l'Église. Parce que jusqu'à un certain point, elle amenait du nouveau. C'est toujours comme ça.